Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. N'as-tu pas vu ce que fit ton Seigneur aux compagnons de l'éléphant? N'a-t-il pas déjoué leurs intrigues en leur envoyant des nuées d'oiseaux qui leur lançaient des pierres argileuses? Il les rendit tels des brindilles mâchées et recrachées.